Pêcheurs d'Islande, cinquième partie, chapitre 4. Elle travailla beaucoup pendant ces mois d'été. Les Paimpolaises, qui d'abord s'étaient méfiées de son talent d'ouvrière improvisée, disant qu'elle avait de trop belles mains de demoiselle, avaient vu au contraire qu'elle excellait à leur faire des robes qui avantageaient la tournure. Alors elle était devenue presque une couturière en renom. Ce qu'elle gagnait passait à embellir le logis pour son retour. L'armoire, les vieux lits à étagères étaient réparés, cirés, avec des ferrures luisantes. Elle avait arrangé leur lucarne sur la mer avec une vitre et des rideaux, acheté une couverture neuve pour l'hiver, une table et des chaises. Tout cela sans toucher à l'argent que son Yann lui avait laissé en partant et qu'elle gardait intact dans une petite boîte chinoise pour lui montrer à son arrivée. Pendant les veillées d'été, aux dernières clartés des jours, assise devant la porte avec la grand-mère Yvonne, dont la tête et les idées allaient sensiblement mieux pendant les chaleurs, elle tricotait pour Yann un beau maillot de pêcheur en laine bleue. Il y avait aux bordures du col et des manches des merveilles de points compliqués et ajourés. La grand-mère Yvonne, qui avait été jadis une habile tricoteuse, s'était rappelé peu à peu ses procédés de sa jeunesse pour les lui enseigner. Et c'était un ouvrage qui avait pris beaucoup de laine, car il fallait un maillot très grand pour Yann. Cependant, le soir surtout, on commençait à avoir conscience de l'accourcissement des jours. Certaines plantes, qui avaient donné toutes leurs pousses en juillet, prenaient déjà un air jaune, mourant, et les scabieuses violettes refleurissaient au bord des chemins, plus petites sur de plus longues tiges. Enfin, les derniers jours d'août arrivèrent, et un premier navire islandais apparut un soir à la pointe de Porthsevenn. La fête de retour était commencée. On se porta en masse sur la falaise pour le recevoir. Lequel était-ce ? C'était le Samuel Azénide, toujours en avance celui-là. « Pour sûr, disait le vieux père de Yann, la Léopoldine ne va pas tarder. Là-bas, je connais ça. Quand un commence à partir, les autres ne tiennent plus en place. »